Ça va les gars? J'étais avec l'autre serveur avec. Je suis souvent d'ailleurs, quand j'arrive pas à jouer, je triche. C'est pas bien. Est-ce que vous connaissez ça? C'était Louis de Funès. Ça s'appelait La folie des grandeurs. Alors, dans les années 80, mon cher Bilos, c'était les meilleurs synthés parce que. C'est des vrais synthés. J'ai une carte son, je peux mettre en mono. Il va falloir que je m'achète une carte son, moi. Va falloir que je m'achète une carte son. Justement une machine, il y en a une que j'ai là, ça s'appelle Machine, là, ça s'appelle Machine. Et tu peux utiliser, alors il y a un synthé qui s'appelle Machine avec des pads, voilà, et tu lances les pads avec sur chaque pad tu mets ce que tu veux. Fais gaffe parce qu'il y a des techniciens qui sont un petit peu pédés, alors ça risque de leur plaire. Il y en a certains. Je vais chercher ça. Oh putain, j'arrive pas. Je cherche ça. Comment ça fait ça?